les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le fils, est-il un assassin, un voleur, un menteur, un pervers? Non. Pire, un feignant. Feignant, c'est laid. Feignant, c'est beau. Tout est là, beau. Mais tous les jeunes sont comme ça. Tous les jeunes préfèrent les comics, les jukebox, les flippers, Astérix, Lucky Luke, Pim Pam Poum, les pieds nickelés, etc. Alors, le père peut demander, dans la famille Duranton, la mère, le père, le fils, toute la famille. C'est beau. Ces mots sont-ils des mots que l'on n'ose pas prononcer en présence de son propre enfant? Ces mots, c'est beau, ne sortent pas. Ou abondamment, dans la pièce de Nathalie Sarraute, diffusée pour la première fois sur France Culture, dans le cadre de l'émission Carte Blanche, le 16 octobre 1972. Carte Blanche. Voulez-vous écouter « C'est beau » par Nathalie Sarraute. Catherine Sellers sera « elle » et Claude Pieplu, « lui ». Éric Legrand, « le fils ». C'est une émission de Lily Sioux, réalisée par Jean-Pierre Collat. C'est beau, tu ne trouves pas? Oui. Tu ne trouves pas que c'est beau? Si, si. Mais qu'est-ce que tu as? Mais rien, qu'est-ce que tu veux? Tu me demandes, je te réponds oui. Mais d'un tel air, tellement du bout des lèvres, comme si c'était une telle concession. Tu n'aimes pas ça? Mais si, j'aime, je te l'ai dit. Mais juste maintenant... Tu ne veux donc pas comprendre? Non, en effet, je ne comprends pas. Oh, écoute, pourquoi faire semblant? Tu sais bien que tu n'obtiendras rien de plus que ça. Que du bout des lèvres. Que d'une voix blanche. Rien de plus. Rien, tu sais bien, puisque je suis là. Et je n'ai même pas besoin de me montrer. Oh, pas besoin de faire coucou, le voilà. Il suffit que je sois derrière le mur, enfermé dans ma chambre. Même derrière un mur de béton, ma seule présence suffit pour que ça ne sorte pas. C'est beau. Pas comme tu le voudrais. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il raconte? Il devient fou. Fou? Moi? Ah, toujours les mêmes réflexes de défense, les mêmes échappatoires, les mêmes camouflages. Mais pour tromper qui? Tiens, recommençons. Mais pour voir. Je vais aller dans ma chambre, et toi tu vas le répéter. Tu vas dire comme tout à l'heure, c'est beau, hein, tu ne trouves pas? Mais tu te moques de moi? Comment oses-tu, espèce de petit vaurien? Ah, voilà, c'est contagieux, ça te prend aussi. Tu l'as senti. Tu recules, hein, tu n'oses pas. Le mot te reste dans la gorge. C'est beau. Beau. Beau. Comme c'est beau. Impossible, hein? Tu ne peux pas? C'est vrai, il a raison, tu vois bien. Toi non plus, tu n'oses pas. Tu deviens folle aussi. Je n'ose pas. Je ne peux pas dire c'est beau devant lui. Parce qu'il est là, ce petit idiot. Oui, beau. Beau. Une beauté parfaite. Beau à mourir. Beau. Oh, arrête, je t'en supplie, tais-toi. Rien que de l'entendre est au-dessus de ses forces. Ça lui donne chaud, n'est-ce pas? Mais elle a envie de se boucher les oreilles, de se cacher. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est-on? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui, elle, d'abord? De qui parles-tu? Allons, Ous, décarpie, tu nous déranges. Tu as fait tes devoirs, tu te rappelles que tu as ta composition? Oui, papa, j'ai presque fini. Il ne me reste plus que la fin de la restauration. Tu as vu? Qui elle? Qui elle? Dit avec fermeté, et voilà. Il a réintégré. C'est ce qu'on appelle remettre à sa place. Une place d'où il n'aurait jamais pu bouger s'il n'avait eu affaire qu'à moi. Enfermé là à triple tour. Mais toi... Oh, bien sûr, on sait bien que c'est toujours ma faute. Non, je ne te le fais pas dire. La preuve, qui a dit qui elle? C'est toi ou moi? Tu étais là, prostré. C'est vrai. Veux-tu que je te dise? Je t'ai admiré. J'ai admiré ton courage, ta force. Ah, n'exagérons rien. Je suis normal, c'est tout. Mais n'empêche qu'à un moment, tu as flanché. Tu as eu peur aussi, avoue-le. Peur, moi? Tu rêves. Mais tu n'en as que plus de mérite. tu sais, celui qui n'a pas peur. Mais toi, je l'ai vu tout à l'heure, quand il t'a mis au défi, quand tu t'es mis en colère. Il t'a fallu un tel effort. Oh, ça, non, pas le moindre. Je l'ai dit, je l'ai crié, c'est beau, beau, beau, beau. Oui, tu l'as dit, très fort, trop fort. Il y avait là une outrance, une crispation. Tu trembles, vieille carcasse. Et malgré ça, malgré le courant, le vent si violent, tu t'es cramponné, beau, beau, beau, de toutes tes forces. Oh, c'était terrible. J'avais envie de me boucher les oreilles, de me cacher loin de toi. J'étais prête à rogner. Quand tout à coup... Oh, comment as-tu trouvé? Quelle présence d'esprit! Il fallait y penser à un pareil moment, saisir ça. Qui elle? Qui elle? Oh, étonnant. Où l'as-tu retrouvé? C'était emporté si loin. Qui elle? Et d'avoir osé le brandir, le lancer. Ah, non, vraiment, tu es admirable. Je reconnais qu'au point où on en était, où il en était arrivé, hein, il fallait le faire. Si tu m'avais écouté quand il était encore temps, tu te rappelles, je te le disais. Tu te souviens? Des mots interdits, des mots qu'on n'avait pas le droit d'employer. D'ailleurs, je dois dire que moi-même... Ah, Dieu, qu'on était bêtes. Oh, je ne sais pas. Encore maintenant, il y a de ces mots. Je ne pourrais pas. Ah oui, maintenant. Mais rappelle-toi, quand il était encore vagissant, tout trempé, tout ridé, on t'aurait tué, que tu n'aurais pas pu, tu n'aurais jamais osé prononcer... Oui, de dire à n'importe qui, même à lui... Mon petit. Au pire encore, mon petit bonhomme. C'est vrai, ça me choquait. Il me semblait que c'était un peu comme dire... Comme dire youpin. Comme dire bico. Comme dire les femmes. Impossible, pas question. Il fallait absolument une parfaite égalité. Une parfaite égalité, tu en as de bonnes. Égalité, tu veux rire. Tu devrais parler de supériorité. Il nous était supérieur, tout en virtualité exquise. En possibilité, il n'y avait que l'embarras du choix. Il était encore intact. Avant la faute. Les fautes. Oui. Avant que nous ayons tout compromis, tout gâché. Nous? Ah non, pas nous, pas moi. Ce n'est pas moi qui l'ai langé comme on lange un paquet. Pas moi qui, en le changeant, ne lui ai pas assez parlé, ne l'ai pas chatouillé, ne l'ai pas embrassé. Pas moi qui lui ai fait attendre sa tétée. Oh, ce n'est pas vrai. Je me suis toujours précipitée. Ne niez pas. Combien de fois je l'ai entendu, c'est gosier. Mais pas pour ça. Tiens, pas pour ça. Et quand Madame s'arrachait à ces conversations passionnantes, ben, c'était trop tard. La frustration et toutes ses conséquences. Vous pouvez encore vous estimer heureux, ce n'est encore rien. Nous pouvons dire que nous l'avons échappé belle. On a eu de la chance, du pot, comme il dirait. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de chance. Rien que de penser à ce qui aurait pu nous arriver. Parce qu'il y a eu pire. Des fautes plus graves. Oh, non. Mais si, dis-le. Il y a longtemps que je sens que tu me caches quelque chose. Avoue, ça te fera du bien. Et à moi aussi. Je pourrai mieux comprendre ton indulgence. Elle m'exaspérera moins. Non. Ce n'est rien. Allons. Fais un effort. Tu verras, tu te sentiras mieux. Ça ne va pas être si effrayant. Tiens, je vais t'aider. Tu as voulu lui apprendre à être propre. Tu l'as mis sur le pot. Tu as siffloté. Oh, ça non! Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Tu te rappelles bien? Ah, c'est vrai, je me rappelle. Alors, tu as peut-être enlevé de sa bouche, pendant qu'il dormait... Son pouce? Mais Tu es fou! Tu sais bien que jamais... Quoi alors, mon chéri? Ne me fais pas souffrir. Dis-le, qu'on porte ça ensemble. Dis, qu'est-ce que c'est? Eh bien... Avant sa naissance... Oh, avant sa naissance... Mais maintenant, on sait que ça compte. On me l'a dit, des gens compétents. Je l'ai lu, c'est démontré scientifiquement. Tout peut remonter jusque-là. Toutes les fautes criminelles. Lesquelles? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est trop affreux. Quand je le portais... À quel moment, dans quel mois? C'était tout au début. Tout au début? Bon, il ne faut rien exagérer. C'est sûrement tout de même moins grave. Mais non, figure-toi. Il y en a qui disent que ça peut être grave même encore avant. Ça non, ça je ne le crois pas. Enfin, peu importe. Moi, c'est quand il existait déjà, à l'état d'embryon. Un jour, j'ai eu... Quoi donc? Je ne me le pardonnerai jamais. Ça m'a prise tout à coup. Une affreuse pensée. Tout à coup. Oh, c'est terrible. Je n'en voulais pas. Oh, une simple pensée. Mais pas simple. Pas juste une pensée qui vous traverse rapidement. Et encore, cela, comment savoir quels effets? Mais j'ai été... jusqu'à pleurer. Oh. Oui. Des vraies larmes qui ont coulé. Tu te rends compte? La perturbation pour lui. Le choc. Quelle horreur. Toute cette comédie, quand j'y pense. Ces extases dès que tu le sentais remuer. Ces airs béats. Tout était faux. Oh non, ne dis pas ça. Mais c'était vrai. J'étais heureuse, heureuse, heureuse, heureuse. Il y a eu juste tout à coup, je ne sais pas comment, cet affreux moment. Oh, chaque fois que j'y repense... De toute manière, à quoi bon? Il vaut mieux l'oublier. Ce qui est fait est fait. Maintenant, tu ne le changeras pas. Il est là tel qu'il est. Fermé à triple tour. Obtus. Borné. Pratique. Ah, ce n'est pas un rêveur, pas un esthète. Aucun danger, les comics, les policiers, les jukebox, les matchs, joli produit. Bravo. On en arrive quand il est là à ne pas pouvoir dire « c'est beau ». On n'ose pas écouter un disque, on a peur et il faut supporter ça. Veux-tu que je te dise, il n'y a qu'un seul moyen. Oh non, pas ça! Mais ça ne servirait à rien. Tu sais bien qu'on n'y arriverait pas, c'est toi qui courrais le rappeler. Mais ça recommencerait comme avant. Jamais, tu m'entends? Jamais! Qu'il aille au bout du monde, qu'on le mette en prison, dans une maison de redressement, qu'il disparaisse à tous les diables! Oh! Oh, tout de même, quand on y pense, c'est un peu fort d'entendre ça. Qu'il disparaisse. Eh oui, voilà. Vous me croirez si vous voulez. Nous en sommes là. Qu'est-ce que tu dis? À qui parles-tu? Tais-toi. Oui. Qu'ils disparaissent. À tous les diables. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est un assassin? Oh non, il ne ferait pas de mal à une mouche. C'est un voleur? Oh non, l'honnêteté même! Un menteur? Non! Un pervers? Non, non! Un feignant? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai entendu feignant? Tu n'as pas dit ça! Si, je l'ai dit. Feignant. Et pourquoi pas? Oh! Mon pauvre chéri, faut-il que tu souffres? Voilà à quoi tu en es arrivé. Voilà à quoi ce petit vaurien t'a poussé. À aller te commettre, t'encanailler, à te dégrader, te galvauder. Silence, un peu de modestie, je vous prie. Un peu d'humilité. Quand on vient ici consulter, on doit laisser ses prétentions à la porte. J'ai dit feignant. Vous voyez, messieurs, dames, tout est là. Il ne supporte pas des mots comme ça. Feignant est interdit. Feignant, interdit. Oui, vous entendez? Fainéant, ça c'est admis. C'est noble, aéré, hautain. Fainéant, comme c'est beau. Feignant est laid, fainéant est beau. Beau, beau, tout est là, tout. Mais vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. Son mépris, sa tyrannie. Et quand le pauvre petit ne peut plus le supporter, quand il se détourne, lui, son propre père, va jusqu'à souhaiter... Oh, oh, aidez-moi. Oh, si c'est pas malheureux de voir ça. Oui, si ce n'est pas malheureux. Vouloir chasser ce pauvre enfant. En arriver là. Ah, on pourrait comprendre ça si c'était un dévoyé. Mais non, ce n'est pas le cas. On pourrait comprendre ça si c'était un bandit. Un assassin? Non. Une supposition que ce serait un drogué. Mais non. On comprendrait encore s'il avait le malheur. On comprendrait si c'était un fils ingrat. Mais non. Une supposition que vous seriez vieux. Mais non. Une supposition que vous seriez sans ressources et qu'il vous refuserait les aliments, comme on en voit tant de nos jours. Ça va continuer longtemps, assez, je n'en peux plus arrêter. Attention, qu'est-ce que tu fais? Tais-toi. Il ne faut surtout pas interrompre. Il faut que ça se déroule. Patience, tu verras. Je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Ça me donne le tournis, ça me fait mal au cœur. Mais tais-toi donc. Continuez, ne faites pas attention. Vous voyez, il est si délicat, très exigeant, toujours si impatient. Ah, si ce n'est pas malheureux de voir ça. Une supposition, ce serait un malhonnête. Non. Une supposition, ce serait un dévergondé. Non, non. Une supposition, ce serait un feignant. Oh. Non, ce n'est pas un feignant. Il travaille. Si ce n'est pas malheureux. Pas dévergondé. Pas voleur. Pas menteur. Pas malhonnête. Pas drogué. Pas feignant. Ah, il y en a à votre place qui seraient contents. Il y en a qui seraient fiers. Il y en a qui seraient rudement heureux. Il y en a qui n'en espéraient pas tant. Pensez donc, par les temps qui courent. Avec la jeunesse qu'on voit en ce moment. Avec tous ses propres arrières. Oh, assez, assez. Je me soumets, je renonce. Mais c'est impossible. Attends, il ne faut surtout rien hâter, tu vas voir. Ça vient. Dire qu'il y en a qu'on cette chance. Un garçon poli. Un garçon sérieux. Un garçon travailleur. Ah oui, il est même avancé pour son âge. Si c'est pas honteux. Faut-il être gâté? Faut-il être pourri? Oh oui, n'est-ce pas? Travailleur. Pour ça, oui. Voyez-vous ça? Quand je pense à tous ceux qui donneraient n'importe quoi. Oui, de ce côté-là, hein, tu reconnais. Oui, pour le travail scolaire, c'est vrai. Le travail scolaire, on dirait que ça ne compte pas. Si, bien sûr, ça compte. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Quoi? Non, il n'y a rien, rien, c'est vrai. Non, il n'y a pas de quoi parler, pas de quoi se mettre martel en tête, pas de quoi chercher midi à 14h, pas de quoi fouetter un chat. C'est nous sommes gâtés, pourris, nous sommes fous. Tu vois, mon chéri. Faites attention que le ciel ne vous punisse pas. C'est arrivé qu'à Dieu ne plaise, touchons du bois. Quand vous y repenseriez. Oh oui, qu'à Dieu ne plaise. Dieu ne plaise. Ah, vous voyez. Vous tentez le sort. Oh non. Vous ne connaissez pas votre bonheur. Mais si. Bien sûr. À qui le dites-vous? On est tout fiers dans le fond, n'est-ce pas? On ne l'échangerait pour personne. Hein? Avouez-le. Un beau garçon comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Grand, bien proportionné. Costaud. Ah, pour ça. Moi, auprès de lui, je me sens un gringalet. Et déjà porté, hein, je parierais. Ça n'a rien d'étonnant. Toutes les filles. Ah, ça... Il y en a déjà, elle tourne autour. L'autre jour, le téléphone sonne, je décroche et j'entends... Mais il ne commettrait jamais une mauvaise action. Quand son père lui en a parlé, l'a mis en garde, il l'a arrêté. Il est très pudique, vous savez. Il lui a dit de son air grave, « Oui, je suis d'accord, je sais, papa. » Mais à cet âge-là, j'étais idiot, un peu arriéré, toujours dans les livres, dans les musées. Mais lui, ah, oui, pour ça, oui, lui, ces choses-là, ça l'ennuie. Il n'aime pas ça, lui, c'est les bandes dessinées, la télé. Eh, que voulez-vous? Il est de 100 ans. C'est normal, il est comme tout le monde. Tout le monde? Tu ne vas pas recommencer, ça ne va pas te reprendre. Oui, il est comme tout le monde. Tout le monde aujourd'hui à son âge est comme lui. Ne fais pas cette tête, je t'en prie. Ne te rebiffe pas. Allons. Répète après moi. Tout le monde. Exerce-toi, tu verras, ça ira mieux. Répète. Tout le monde le fait, tout le monde le dit, tous les jeunes sont ainsi, nous sommes comme tout le monde. Tout le monde le fait, tous les jeunes. Tous les jeunes préfèrent les comics. Tous les jeunes préfèrent... Allons. Les comics. Les comics. Les jukebox, les flippers. Les duke... Oh, pourtant il y en a même chez les jeunes qui... Ah, mon pauvre monsieur, vous parlez des exceptions. Elle confirme. Mais bien sûr, voyons, il n'y a qu'à regarder. Même des sujets brillants. Des centraux, des polytechniciens, même des normaliens. Le fils des Aubry, et ceux des Jamais. Et pourtant, eh bien c'est comme je vous le dis. Astérix, Pim Pam Poum, Lucky Luke, les pieds nickelés. Leur père, il aurait le droit d'être exigeant. Eh bien, il riait gentiment. Il trouvait ça très bien. C'est fini, terminé, pousse. Je ne veux plus jouer. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai que tu as commis une erreur. Une erreur fatale. Quelle erreur? Encore avec lui? Encore les langes? Les biberons? Non, une erreur, là, maintenant, avec moi. Oui, tu as changé de jeu, en douce. Mais moi, j'ai vu. Tu avais besoin du père Jamais et des fils Aubry. Eh bien, moi, je te demande maintenant de me donner la mère Duranton. Le père Duranton, parfaitement. Le père et la mère... Quoi? Oui, donne-les-moi. Allons, donne. Et maintenant, la fille et le fils. Oui, Duranton. Toute la famille. Mais qu'est-ce que tu en feras? Tu vas voir. Il me les faut. Et aussi les Herbert. Tous, père, mère, fils, petit-fils, donne. Et les Charas, toute la famille. Je pourrais t'en demander d'autres, mais pour le moment, je me contenterai de ceux-là. Je ne comprends rien. Attends, tu vas comprendre. Laisse-toi faire maintenant. Répète après moi. Dis, c'est beau. Pourquoi faire? Répète, je te dis, moi tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de patience. Répète après moi, c'est beau. C'est beau. Répète. Ces beaux sont des mots que nous n'osons pas prononcer en présence de notre propre enfant. Et maintenant, tu vas voir, rassemble ton courage. Ces beaux sont des mots que nous n'osons pas prononcer en présence de notre propre enfant. Et maintenant, tu vas voir. Non, pas ça. Et maintenant, tu vas voir, c'était adressé à toi. Mais à qui tout le reste? Justement, au Duranton, au Herbert, au Charat. Oh, écoute, de quoi on a l'air? Ils vont nous croire complètement fous. Ah, fou. Fou allié, si seulement tu pouvais avoir raison. Si seulement c'était possible. Moi, je ne désire que ça. Malheureusement, il y a peu de chance. Allons, courage. Répétons. Mais juste une seconde que je rassemble mes forces. Là, ça y est. Allons-y. C'est beau. Beaux sont des mots que nous n'osons pas prononcer en présence de notre propre enfant. Vous comprenez? Les mots... Ces beaux ne sortent pas. Ah, mon Dieu, épargnez-moi, le cœur me manque. Oui, voyez-vous, ces beaux, dit devant lui, nous fait trembler, nous donne chaud. Ah, voilà, je l'ai dit. Maintenant, dans une seconde, les Duranton, les Charas... Les Duranton et les Charas, qui sont des gens parfaitement sains, normaux, pour qui vont-ils nous prendre? Ils n'ont jamais entendu, jamais vu, n'est-ce pas? Pareille folie! Non, mon chéri, tu sais bien que non. Il ne faut pas se faire d'illusions. Prends ton courage à deux mains. Le choc sera dur. Pire que tout ce que j'imaginais, tout ce que je pouvais craindre. Quoi? Tu me fais mourir! C'est atroce. Au quart de tour, au quart de poil, aussitôt, sans une hésitation. Comme si c'était la chose la plus naturelle, la plus banale. Ils ont compris. Pas le moindre étonnement. L'air apitoyé. Ah, comme c'est triste! C'est vraiment une grande malchance. Les gens devant qui on n'ose pas dire c'est beau. Moi, je les fuis comme la peste. Mais alors, quand il s'agit de votre propre enfant... C'est un malheur. Oui, vous croyez? Comment si on croit? Mais pourquoi, au fond? Pourquoi? Je n'ai jamais bien compris. Je me dis que je suis fou. Expliquez-moi. Vous expliquez? Pourquoi faire? Pourquoi vous retournez le fer dans la plaie? Si je vous en prie, retournez, je veux savoir. Ce n'est peut-être pas pour les mêmes raisons, vous et moi. Nous ne pensons peut-être pas aux mêmes choses. Mais si, hélas, mon pauvre ami. À quoi d'autre voulez-vous que nous pensions? Faut-il vous le dire? Oh oui, dites-le. Il faut vraiment que vous soyez très bas. On a chaud, on a peur, parce qu'on sent une fermeture insultante, un ignoble mépris, une menace sournoise que ces gens-là font peser sur tout ce qui compte. Ils avilissent, ils aplatissent tout, tout ce qui donne du prix à la vie. On a honte devant eux de profaner. On a envie de soustraire à leur contact, de mettre à l'abri. Il ne faut surtout pas les provoquer, qu'ils n'approchent pas. Enfin, rien que d'y penser. Oh, quelle horreur! Pourquoi parler de ça? Personne n'en parle. Par pudeur. Par simple décence. Mais qui ne le sent pas? Qui? Eh bien, la plupart des gens. Des gens sains, normaux, forts, qui ont la tête solide, le cœur bien placé. Dieu merci, il y en a. Des adultes aguerris, à qui la vie avait affronté, à qui elle a appris autre chose que ces raffinements de gâter, de dévergonder, de pourri. Une menace, une malchance, un malheur de l'avoir eu, d'avoir un fils comme lui. Mais c'est à ne pas croire. Est-ce un assassin? Bien sûr que non. Un voleur? Un menteur? Non. Un pervers? Non. Un feignant? Oh. Oh, mes pauvres amis, vous en êtes venus là. À demander de l'aide. À aller consulter des guérisseurs, des rebouteux. À poser des questions à la tante Mélanie, qui pourrait vous jeter la pierre. Dans les cas désespérés, que ne fait-on pas? Nous-mêmes, si par malheur une chose pareille nous était arrivée avec Jacques, avec Pierre, eux... Dieu merci, jusqu'à présent, toujours fourrés, dès qu'ils ont un moment de libre. Oui, n'est-ce pas? Dans les livres, dans les musées, à toutes les expositions, les bons disques, les livres d'art, oui, comme moi autrefois. Hein, mais vous savez, par moments, je me demande... Je ne voudrais pas vous vexer. Quoi donc? Qu'est-ce que vous vous demandez? Eh bien, s'il n'y avait pas là peut-être un certain manque de quelque chose, oui, d'une certaine vitalité. Notre fils, lui, vous savez, c'est un gaillard, éclatant de santé, de force juvénile. Pas un petit vieux comme j'étais déjà à cet âge-là, lui, c'est une tête solide, un costaud, déjà porté... oui, traînant tous les cœurs. nous, bien sûr, on ne se mêle jamais. D'ailleurs, il a déjà une maturité étonnante pour son âge. L'esprit très libre. Il ne s'en laisse jamais à croire. Pas d'argument d'autorité avec lui. Il passe tout au crible. Eh bien, alors, de quoi vous plaignez-vous? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Tout est pour le mieux. Soyez content. Soyez fiers. À chacun son bonheur. Oui, vous avez raison. Nous avons eu tort. Pardonnez-nous. Oui. À chacun sa chance. Tu as entendu ? Ce ton apitoyé, comme s'il parlait à des faibles d'esprit. Oui. Mais reconnais que nous ne l'avons pas volé. Tu te rends compte ? Ah, que tu me reprochais de me galvauder. Tu peux dire que tu as été les chercher. Oh, comme vous êtes à plaindre. Un contact si avilissant. On a envie de tout cacher, tout ce qui compte. La simple pudeur empêche Fidon de parler de ces choses-là. Quelle horreur si à nous, s'il nous était arrivé pareil malheur, c'est notre Jacques, c'est notre Pierre. Mais devant eux, il n'y a pas de danger. Devant eux, on peut dire, c'est beau. On peut se pâmer, s'agenouiller tous ensemble, en famille, baisser la tête au même moment. Pas de danger qu'il la relève, non. En effet, pas de danger. Pas comme chez nous. Viens, mon chéri, viens donc ici, près de nous. Qu'est-ce que tu faisais ? Je te dérange ? Mais viens, je t'en prie. Juste pour un instant. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a ? Bien, mon chéri, je voulais juste te demander... Oui, j'ai fini. Il ne me reste plus qu'un résumé. Mais non, ce n'est pas de ça que je voulais te parler. Ah bon ? De quoi alors ? Ne prends pas cet air. Quel air ? Ne fais pas cette tête de bébé. Ah, tu en as de bonnes. Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que tu possèdes une baguette magique ? Pour transformer le cygne en prince charmant, le crapaud en belle princesse. Tu sais bien que je l'ai ensorcelé. Tu comprends ce que dit ton père ? Non, maman. Mais si, tu comprends. Tu fais la bête. Ah là, non, alors vraiment ? Tu penses bien que maintenant, tu peux toujours essayer. Je te l'ai dit tout à l'heure, je l'ai forcé à réintégrer, je l'ai enfermé. Qui, elle ? Tu trouvais ça si bien, tu admirais ma présence d'esprit, mon courage. Maintenant, tu voudrais qu'il sorte. Il faut savoir ce que tu veux. Qu'il recommence ? Que je recommence quoi ? Mais mon chéri, tu sais bien. Je voudrais que tu redeviennes comme tout à l'heure. Quand tu sentais tout si bien, c'est nous qui étions comme des enfants. Quand tu as dit toi-même, tu te rappelles bien, que nous n'osions pas prononcer, dire « c'est beau », juste parce que toi... Parce que tu étais là. Tu es si sensible, si fin. Toutes ces choses-là, pour toi aussi, quand tu veux bien. On ne peut rien te cacher à toi, on ne peut pas t'étonner. Tu possèdes une lucidité, une liberté d'esprit. J'en souhaite autant à ceux... Ah, mais ça vous a fait si peur ? Mais papa était furieux. Oh, c'était ridicule. Je suis sûre que maintenant, il s'en rend compte. Il aurait dû... Te laisser t'expliquer, te laisser t'affirmer. Mais lui, qui, elle ? Mais c'était pas pour t'écraser, tu sais, je le connais, c'était plus fort que lui, un simple réflexe. Qui, elle ? Par habitude. Par conformisme. Tellement vieux jeu. Qui, elle ? Je vous demande un peu de pareilles vétilles. Aller chercher ça, quand on était là tous les trois, dans un de ces rares moments où... Enfin, c'est merveilleux tout à coup, c'est comme une éclaircie. On allait toucher enfin à quelque chose entre nous. Oh, écoute, arrête. Oh, tu trouves que tu n'as pas eu ton compte ? Tu en redemandes. Tu n'auras à t'en prendre qu'à toi, je te préviens. Ne t'attends pas à ce que je vienne t'aider. Mais non, non, je n'y compte pas, je n'en aurai pas besoin. Écoute, mon chéri, j'en supplie, dis-moi. Ne refuse pas, dis-moi juste pourquoi. Pourquoi, penses-tu, dis-le-moi. Parce que tu es là. Même derrière un mur, comme tu le disais si bien. On ne peut pas... Ah, ça c'est vrai, tu vois. Même maintenant, au milieu de ces épanchements, tu t'arrêtes. Tu n'oses pas. Si j'ose. Tu vois ? C'est beau. Et même je te montre. Je l'étale. Tiens, tu vois, devant toi. Et je dis, tu m'entends ? C'est beau. Et je te demande à toi, tu ne trouves pas ? On m'a dit quelque chose. Eh bien, il n'y a rien à faire. Non, c'est plus fort que moi, je me rétracte. Dans un instant, Je vais, comme la pieuvre, sécréter une encre noire qui va se répandre. Regarde, papa, il est déjà tout recroquevillé. Tu ne trouves pas ça beau? Tu détestes ça? Tout ça? Mais non, voyons, il ne s'agit pas de ça. Pas de ça? Mon chéri, de quoi alors? Mais ça me gêne de vous le dire. Je vais vous choquer. Non, je t'en prie, dis-le. Eh bien, c'est cette expression. C'est beau. Ça me démolit tout. Il suffit qu'on plaque ça sur n'importe quoi et aussitôt, tout prend un air. Oui. Je crois que je vois. Oui, tu vois. Je comprends. Ça devient convenu, n'est-ce pas? Oui, si tu veux. Ces sortes de banalités, dès qu'on les applique... Mais oui, on ne devrait pas. On ne devrait pas, tu as raison. C'est une facilité, un conformisme. Oui, c'est ça. J'ai horreur. Oui, toi, tu respectes trop ces choses-là. Ah, voilà. Non, maintenant, c'est le respect. Toujours ces mots. Oh, excuse-moi, je voulais dire que la chose elle-même sur quoi on plaque, que tu ne veux pas voir aplatir, n'est-ce pas, banaliser, mais la chose elle-même... Mais oui, maman, bien sûr. Ah, tu vois comme nous nous sommes trompés. Comme nous connaissions mal notre propre enfant. C'est vrai, c'est ce qu'on connaît le moins bien. Il ne déteste pas du tout, il aime, tu vois. Enfin, aime est peut-être un mot qui ne convient pas. Pardonne-moi, nous sommes si maladroits. Enfin, je veux dire que ça, ce que ton père me montrait tout à l'heure, cette gravure, toi aussi... Si tu voulais bien la regarder sans qu'on dise rien, toi aussi... Mais oui, moi aussi, bien sûr. Toi aussi, hein? Tu trouves... Tu ne trouves pas que c'est... Oh non, arrête, ne recommence pas. Pas ces mots si convenus, si sclérosants, emphatiques. Tu vois, mon chéri, je crois que je comprends. Bon, d'accord. Puisqu'il est si raffiné, si délicat... C'est... Hein, tu ne trouves pas du... Ouais, c'est assez chouette, je te l'accorde. Chouette. J'aurais dû y penser. Chouette. Maintenant, je le saurai. Il peut suffire d'un mot... Oui, pour que tout change. Pour qu'on s'entende, pour qu'on puisse... Oui, n'est-ce pas? Ah, mais attention, tu t'emballes toujours. Mais non, je ne m'emballe pas. Écoute, mon chéri, je l'ai toujours su, je l'ai toujours senti. On se ressemble tellement. C'était pas possible. Et maintenant, n'est-ce pas, je peux te le dire, partager. Tu te souviens, comme autrefois quand tu étais petit, quand toi-même tu venais me montrer. Maintenant, nous irons... Non, ça ne te dirait rien. Tu aimes mieux y aller tout seul. Aller où? Eh bien, tu sais, j'en avais parlé l'autre jour. Quelque chose de... Non, ne t'inquiète pas, je fais attention. Quelque chose à ne pas manquer, tu me permets de dire ça. Un choc pour moi. Un événement, cette exposition. Mais tu l'as peut-être vue. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que c'est que ces contrôles? Bon, passons. Mais je voudrais te montrer... Regarde. Non, pas ça, pas de reproduction. Tu vas voir, ne t'impatiente pas. Ou plutôt, tu vas entendre... Mais ce n'est pas ça. Attends. Non, pas ça non plus. Mais je sais. assez. Mais pourquoi fais-tu ça? On écoutait si bien. Ça entrait, emplissait. Mais c'était... Rien, ça m'assomme. Ça t'assomme? Oui, je trouve ça assommant. Toi? Tu ne trouves pas que c'est... Que c'est quoi? Que c'est... Oui, assez chouette. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça m'ennuie. Il se passe que je ne veux pas, pas maintenant. Oh... Pas tant qu'il est là. Ça ne passe pas. Je n'entends plus. Je ne sens rien. Tout se recouvre. Une encre noire. Vite! Au secours! M'aidez-moi! Voilà, voilà. On y va. Un peu de calme. C'est pas tout ça, mais tout à l'heure, M. Bertrand a appelé. C'est moi qui lui ai répondu. Il va rappeler. À quelle heure? J'ai dit que tu serais là à partir de 8h. Ah, pourquoi 8h, quand j'avais dit que je serais là au plus tard? Ah, excuse-moi, tu ne l'as pas dit à moi. Non, c'est à moi que tu l'as dit. Non, à lui. Non, à moi. Ah, tu vois bien. Pour te défendre, ta mère dirait n'importe quoi. Non, tu sais bien qu'elle ne ment jamais. Tu me donnes des leçons à présent. Et puis, de qui parles-tu? Qui? Elle. Vous venez d'entendre « C'est beau », la carte blanche de Nathalie Sarraute. Catherine Sellers était elle, Éric Legrand, le fils, et Claude Pieplu, lui. Madeleine Barbulé, Madame Duranton, Jean-Paul Sisyphe, Monsieur Duranton, avec les voix de Laurence Mercier, Juliette Paclet, Pierre Garin, Maurice Bourbon. Bruitage, Louis Matabon, chef opérateur du son Daniel Tourcière, collaboration technique Michel Kreis, assistant de production Pierre Bodin. C'était une émission de Lily Sioux, réalisée par Jean-Pierre Collat. Cette pièce publiée aux éditions Gallimard a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 octobre 1972. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. We'll be right back.